نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Dans le cours précédent, on a parlé de l'association dans l'ilm, dans le shirk dans l'ilm. On a dit que ilm Allah, c'est un attribut qui appartient à Allah, que seul Allah connaît, et que Allah dévoile une part de l'invisible, du méconnaissable, et le dévoile à certains de ses prophètes comme signe de prophétie. D'accord. Et on a montré comment ça se fait que des gens, par exemple, disent des choses et qu'ils s'avèrent vrais dans l'avenir. On a dit que c'est les djinns qui volent, qui prennent la parole de vérité qui a été dite par les anges dans le ciel le plus bas, et qu'ils ramènent cette parole et qu'ils la mettent dans l'oreille du devin, dans l'oreille du kahin, du sahir, de l'arraf, du voyant, de l'horoscope, de tout ce que vous... Ça peut prendre beaucoup de noms, mais c'est la même chose, c'est abdat shaitan. C'est des adorateurs d'Iblis. Et donc le devin, pour qu'il ait cette parole de vérité, en échange, qu'est-ce qu'il fait? Le devin, son but, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir du monde, c'est d'avoir de la célébrité, peut-être un but politique aussi. Et le djinn, qu'est-ce qu'il a pour but? Le but pour lui, sa devise, c'est que cette personne-là rentre dans le kufr. Écrire, par exemple, des versets du Coran avec la najasa. Faire des choses. Et je vous ai donné des exemples de gens qui faisaient des prodiges, comme l'Aswad l'Ansi, comme... des exemples de gens qui montrent aux autres gens des chevaux qui montaient dans le ciel, et c'était des djinns, faisaient des prodiges, puis les gens, ils étaient influencés par ces gens-là. Et donc, il y a toujours ces gens-là, durant toute l'histoire, ils existent et ils existeront toujours, et le plus grand exemple, la plus grande preuve qu'on a, c'est-à-dire le Messie Dajjal, il va venir, il va montrer des prodiges. Donc, on doit passer là. Et on rentre directement dans shirk, dans l'Uluhiya. D'abord, c'est quoi d'abord Tawhid l'Uluhiya? Avant que vous montrez. C'est quoi l'Uluhiya? C'est l'Ibadah. Donc, Ilah, ça veut dire Ma'lour, ça veut dire Ma'boud. Et Ilah, ça veut dire quoi? Comme j'ai dit, Ma'boud. Et l'adoration, le pilier de l'adoration, le cœur de l'adoration, c'est quoi? C'est l'amour. Le cœur l'aime et l'adore et tout. Donc, le plus grand pilier, le boule ibad, c'est l'amour. C'est l'amour qui pousse la personne à faire tout acte, tout mouvement de l'être humain, c'est l'amour qui le pousse. Et c'est l'amour qui pousse la volonté, la habba ou l'irada. C'est ça qui pousse la personne à faire, à réagir. Donc on l'aime Allah, donc on se rapproche vers lui. Et même la crainte, ça vient finalement de l'amour. Donc le plus grand pilier, c'est l'amour. Le deuxième pilier, c'est la vénération. Il nous invoque. Raghaban, c'est quoi? Raghaban, c'est espoir, avec espoir. Et crainte. Donc l'espoir, parce qu'on l'aime, on espère de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par crainte, parce qu'on le vénère. On a peur de Jannah, on a peur du châtiment, l'enfer. Et tout ce que, oui, tous les awamir et les nawahi, c'est-à-dire tout ce qui nous a été déconseillé, tout ce qui nous a été conseillé de faire, ça vient de crainte et amour. Hein? Je l'obéis, je me rapproche de lui par qiyam al-layl, par le jihad, parce que je l'aime. Je ne fais pas de péché parce que je le crains. Alors c'est les deux, tu ne sors jamais de ces deux piliers. D'accord? Donc, c'est alors, Tawhid Uluhiyya, c'est finalement un acte du cœur et un acte des membres. Hein? C'est un acte du cœur, c'est un cœur qui travaille, qui réagit. Pas qui dit la ilaha illallah, tout simplement, je le reconnais, mais je ne l'obéis pas. Je ne l'obéis pas. Ou je ne le crains pas. Oui, je sais, je connais le châtiment de la tombe, mais châtiment de la tombe, je le dis en souriant, ça ne change rien dans mon cœur. Donc, shart, c'est-à-dire une condition. L'amour, c'est une condition dans le tawhid. C'est une condition nécessaire. Si quelqu'un dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et qu'il n'y a pas cet amour, sa shahada, il est annulé. Ça ne sert à rien. Ça peut le servir dans la vie, mais l'au-delà, ça ne peut pas le servir. Hein? Donc, ça, c'est tawhid uluhiyya. Donc, c'est pour ça que shahada, c'est pas dire, c'est pas seulement dire. Même en arabe, quand on dit ashhad, ça veut dire a'lam wa ubayyin. C'est-à-dire, je le dis et je le montre et je le comprends. Même shahada, quand on dit ashhad, ça veut dire que je connais ce que ça veut dire et que je le dis en même temps. Donc, hein? Même les arabes, quand ils expliquent shahada, ils disent al-ilmu, al-ilmu. العلم والتبين وبين وأعلم d'accord donc l'association dans l'ibada c'est quoi c'est شرك العبادة c'est شرك العبادة oui on a parlé de شرك الربوبية maintenant on est dans شرك الألوهية شرك العبادة c'est quoi adoration adorer un autre qu'Allah voilà. صرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى adorer ou une statue ou une tombe ou un cheikh ou un président ou qui que ce soit. C'est-à-dire tout ce qui acte les actes, au lieu de les adresser, actes du cœur, au lieu de les adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, je les adresse à une personne ou à une statue ou à une. D'accord? Donc la crainte, au lieu de l'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de ne craindre qu'Allah, je crains une autre personne. Hein? Une crainte spéciale, c'est-à-dire une crainte avec une vénération. Donc tous les actes, ces actes-là, si je les dévie au lieu de les adresser à Allah, je les adresse à une autre personne, ça c'est shirk. Acte du cœur et acte des membres. Hein? Comme la salat pour Allah, je le fais à une personne. Ou dhabh, au lieu d'égorger pour me rapprocher d'Allah, dans Eid al-Kbir, ou dans. Je le fais pour un djinn ou pour un darih, un mausolée ou un sheikh, ou un... ça c'est shirk akbar, yukharj min al-billah, kofr, wa la yadu billah. Et donc, shirk al-uluhiyya, on a dit, on va le diviser, premièrement dans l'association, dans la demande, ou dans shafa'a, shirk al-talab. Hein? C'est ce qu'on appelle shirk al-talab. Hein? Au lieu de demander à Allah, on demande à quelqu'un. On lui demande des choses que seul Allah peut le faire. C'est ça l'association dans le talab, shirk au talab, ou shirk au shafa'a. Hein? Mais en général, shirk shafa'a, c'est dans. Shirk talab, c'est quand la personne, il prend des intermédiaires. Il prend des intermédiaires avec Allah. Il croit que ces intermédiaires-là, ils ont une action, ils ont une présence pour Allah, ils ont une force qui leur permettent de faire monter ton dua, ton invocation vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ceux en général qui invoquent et qui demandent les tombes et qui demandent le statut, ils croient que les personnes là que représente la statue ou la personne qui est dans la tombe, il a une action, il peut agir après sa mort. Il peut monter au ciel, son âme peut monter au ciel vers Allah, et il a une action, il est libre. Hein? C'est ça. Donc, l'adoration dans la demande, il se définit comme étant prendre des intermédiaires entre la créature et le créateur. C'est ce qu'on appelle intercession ou shafa'a. Hein? Shafa'a, en arabe, c'est quoi? J'a'al al-witri shafa'a, c'est-à-dire ce qui est impair, je le rends pair, dans l'aura. Mais dans la religion, c'est prendre un intermédiaire pour qu'il te ramène, qu'il te repousse du mal ou il te ramène du bien. At-tawassoto ila al-ghayr li jalbi maslaha ou daf'i mafsada. Même des gens très pieux, même le prophète. On va parler en détail. Donc la personne qui prend des intermédiaires entre lui et Allah ne nie jamais qu'Allah, que c'est Allah le créateur. En général, il ne nie jamais, ça c'est dans le fetra, ça c'est dans l'aql, dans la raison, il le connaît, la personne, il le sait. Hein? Donc il reconnaît que c'est lui le créateur, c'est lui qui possède et qui administre tout, hein? D'accord? Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Si vous leur dites qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Les kuffars, les mushrikines, les associateurs, ils diront Allah. Mais la cause de ce shirk, c'est quoi? C'est que l'associateur, il croit que cet intermédiaire, ce cheikh ou le mort ou l'ange, a une position chez Allah qui lui permet de donner ce qu'il veut, et à qui il veut et quand il veut. Et il rapproche ce qu'il veut. C'est-à-dire, cette personne, il invoque, lui il croit, bon, je vais invoquer ce cheikh parce que ce cheikh va me rapprocher vers Allah, parce que moi je suis faible et je ne peux pas me rapprocher d'Allah tout seul. T'as vu comment la tête elle est tordue, hein? Parce qu'il a ressemblé finalement à Allah, à ses créatures. Hein? Normalement, quand c'est un président ou un PDG d'une société, il est comme ça, et puis ou un ministre, et tu veux te rapprocher vers ce ministre, ou tu veux te rapprocher d'un directeur de société, tu veux par exemple qu'il t'embauche, tu cherches quelqu'un qui est le plus proche, tu lui dis vers lui, toi tu le connais, tu travailles avec lui et tout, un coup de piston et tout. Parce que moi si je vais vers lui, il ne va pas m'accepter. Donc tu le pousses pour qu'il va vers lui, tu le pousses. D'accord? Mais le directeur, lui, il ne te connaît pas en général. Il ne te connaît pas toi. Il connaît ce qui est le plus proche de lui. Hein? Il ne connaît que la personne. Et puis la personne, il vient lui dire, ah, il va chercher une bonne introduction et tout, et il va chercher les mots, et puis il va voir quand il est content, il va lui dire, bon, il y a un jeune qui cherche du travail, est-ce que tu peux l'embaucher, est-ce que tu peux... C'est ça ce qu'on appelle shafa'a, c'est-à-dire intermédiaire. Et ils ont appliqué ça sur Allah. Hein? Allah, il connaît le plus proche de lui, et il connaît la créature elle-même qui demande, il la connaît. En général, c'est l'intermédiaire qui connaît la personne qui va rapprocher. Mais le président lui-même ou celui qui va être à qui on va demander, lui, il n'est pas au courant. En général, il n'est pas au courant. Quand un roi et un ministre avec, puis le ministre, il veut rapprocher un de ses... Mais le roi, il ne connaît pas la personne qui cherche l'intercession, la personne qui cherche... la personne qui veut se rapprocher. Il ne peut pas demander directement au roi. Hein? Il ne peut pas demander au roi directement. Donc il demande au ministre qui est le plus proche du roi. Et les gens, c'est comme ça dans leur tête. Ils demandent aux awliya, aux shiur, aux prophètes, aux anges. Ils disent, nous on est faibles, on ne peut pas invoquer Allah directement. On cherche un intermédiaire qui va nous rapprocher vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il dit, non, mais moi je ne ressemble pas à mes créatures. Moi, je connais la personne qui est la plus proche et je connais celui qui est dans la douleur, celui qui me cherche. Al-mayyujibul muttara ida da'a wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Il connaît celui qui veut faire l'intercession et il connaît celui qui cherche l'intercession. Il les connaît tous les deux. Donc, il ne faut pas ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est créatif. Donc je continue dans l'explication du verset quand Allah il dit si vous leur dites qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Là, dans un autre verset aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Hein? D'accord? Allah il dit aux associateurs والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Hein? Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. On n'adore pas cette ombre, cette statue. Nous, on ne croit pas qu'il crée, on ne croit pas qu'il donne le rizq, on ne croit pas, mais on adore seulement parce qu'elle est la plus proche d'Allah, elle va nous rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un grand suiveur, il s'appelle Qatada, tabi'in kabir. Qatada. Hein? Qatada. C'est les suiveurs ou tabi'in. C'est des grands ulama qui ont vécu avec les sahaba, avec les compagnons. Il explique là. Il dit quand on leur disait qui est votre Seigneur et Créateur, et qui a créé les cieux et la terre, et qui a fait descendre la pluie du ciel, ils répondront Allah. Et quand on leur demande que signifie cette adoration de statue, ils disent pour qu'il nous rapproche davantage à Allah et pour qu'il intercède en notre faveur. D'accord? Donc, ça c'est le problème, c'est intermédiaire. Le problème c'est ça. Parce que la personne en général, quand il invoque une tombe, il n'attend pas que c'est la tombe qui va lui donner. Non, mais celui qui est dans la tombe, son âme elle est plus proche d'Allah et donc elle va lui ramener ce qu'il veut, lui repousser du mal et tout. Et donc le premier shirk qui est arrivé, quel est le premier shirk qui est arrivé dans cette umma depuis la création de Adam? C'est quoi? C'est le shirk de qui? L'association de qui? C'est de Nuh. Nuh alayhi salam. Hein? Et donc on a beaucoup de textes de toute façon qui montrent que Shirk Qawm Nuh c'est le premier. Hein? Et on est sûr que Adam il a laissé sa descendance dans Tawhid. Hein? Adam c'est Nabi. Hein? Il a fait da'wa de son peuple pour Tawhid. Et la descendance, elle était dans Tawhid, dans l'unicité d'Allah. Mais jusqu'au moment où l'ilm, la science, le savoir, c'est. Il n'y a plus du savoir, il n'y a plus de connaissance, il n'y a plus. Les gens commencent à rentrer dans l'ignorance, commencent à adorer ça. Et donc, dans l'explication du verset, dans l'explication du verset كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Dans sourate Al-Baqara, sourate La Vache, verset 213, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante, puis après leur divergence, Allah envoyait des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Ibn Kathir, il dit, qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir sur ce verset? Il dit qu'il rapporte ça sur Ibn Jarir, parce que Ibn Kathir, il prend beaucoup sur Tabari. Hein? Le grand mufassir, comment le tafsir, ulama de tafsir. Le plus grand exégète, la tête, c'est Ibn Jarir Tabari. Il a été, bon, c'était au 4e siècle de l'Égypte, après le prophète. Et donc Ibn Kathir, il est après, c'est-à-dire le 8e siècle. Puis Ibn Kathir est parent d'Ibn Jarir. Il y a Tafsir Ibn Kathir, vous le connaissez. Et il y a aussi Tafsir Ibn Jarir. Bon, Ibn Kathir, il rapporte d'Ibn Jarir. Et Ibn Jarir lui-même, il dit, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit, entre Noé et Adam, 10 siècles, tous sur une législation de vérité, de tawhid, et les gens ont divergé, Allah envoya alors des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Donc 10 siècles entre Noé et Adam, dans tawhid, l'unicité, entre Adam et le premier rasoul, Fir des Rasoul, le messager, envoyé, c'est Nuh alayhi salam. Hein? Nuh. Hadith Shafa'a. Il y a hadith. Hadith Shafa'a. Hadith Shafa'a. Il y a comme preuve Hadith Shafa'a. Dans le Bukhari. Dans le Bukhari, les gens vont. Le jour du jugement, quand les gens vont chercher quelqu'un qui va intercéder et tout, ils vont demander au début à qui? À Adam. Et puis après à qui? À Nuh. Ils vont dire Fayaqulun, Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahli al-ard, wa sammaka Allahu abdan shakur. Donc ça une preuve que c'est le premier Rasoul. Hein? D'accord. Donc c'est entre Adam et Nuh alayhi salam 10 siècles. 10 siècles. Donc les gens, je disais, les gens étaient sur la religion de Adam, à la millati Adam, jusqu'à ce que des gens ont adoré les statues. Allah envoyé à Nuh alayhi salam et il était le premier rasoul qu'Allah a envoyé aux gens de la terre. Ça, c'est la parole d'Ibn Kathir aussi, c'est comme preuve. Et donc là, comment ça s'est passé? Comment il est arrivé ce chef? Comment il est arrivé ce chef? Donc le premier chef qui s'est passé, la première association, c'est dans Qawm Nuh. C'est dans les gens qui précédaient Nuh. Finalement. Et puis Allah, il a envoyé Nuh pour, comme annonciateur. Quoi. Bon, là, il y a un verset du Coran dans Surat Nuh qui dit. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Donc l'interprétation des paroles, un verset du Coran dans Surat Nuh, la Surat 71, verset 23. Ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais ود, وسواع, يغوث, يعوق ونسرا. Ça, quand Nuh il a Elle leur a demandé d'adorer un seul Allah, d'invoquer un seul Allah, d'obéir aux lois d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, non, on n'abandonne pas nos idoles. On n'abandonne pas ces gens-là. Et finalement, les noms-là qui vous paraissent un peu étranges, c'est-à-dire Wad, Suwa, Yarut, Yarut, Awa Nasra, c'est des noms de gens pieux finalement. Hein? Ibn Abbas, dans Sahih al-Bukhari, il dit, ce sont les noms d'hommes vertueux du peuple de Noé. Les statues que ces gens-là adoraient, ces statues-là, c'est des gens vertueux. Ils représentaient des gens vertueux. Ils représentaient des gens mouahidim. Ils représentaient des gens qui sont... Ils sont dans un degré de piété, dans un degré de tawhid majal. C'était des grands hommes, des hommes pieux et tout. Et donc, comment ça s'est passé finalement? Qu'est-ce qui est arrivé que ces gens-là finalement tombent dans le chef? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens pieux qui les ont poussés? Non, ils ne les ont pas poussés. Le problème, c'est que ces gens-là finalement, il y avait des gens qui étudiaient chez eux. C'était leur chouyour. Ils leur apprenaient la haine, le savoir, la connaissance et tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, et puis ces gens-là, ils sont morts. Et puis les autres, ça, ils ont eu un chagrin. Ça a fait beaucoup d'effets sur eux. C'est-à-dire, beaucoup, beaucoup d'effets. Jusqu'au moment où ils ont, dans leur tombe, ils s'installaient, puis ils réfléchissaient et tout. Ils s'installaient à côté de leur tombe. Et à chaque fois, ils s'installaient. Pourquoi? Pour avoir le souvenir de ces gens-là et pour avoir beaucoup d'efforts dans l'air, dans l'adoration. Tu te rends compte quand tu connais un cheikh, et puis toi tu es dans le péché, et puis tu vas le voir. Du moment que tu le vois, ça y est, ton cœur, il monte. Et tu vas te dire, je vais faire beaucoup d'adoration, je ne vais plus refaire les péchés parce que cette personne, il représente la piété pour moi, il représente des choses pour moi. D'accord? Donc ces gens-là, ils étaient chagrinés à cause de la mort de ce Wad, Waswar, Wayarut, Wayarouk, Wanasab. C'est les noms de gens pieux. Donc là, Ibn al-Qayyim, il dit, plus d'un homme des anciens, c'est-à-dire Ibn Jarir, Tabari, des grands ulama, a dit que lorsqu'ils moururent, ils s'installèrent à leur tombe. Au début, c'était comme ça. Ils s'assoient comme ça, ils pensaient à eux et tout. Et puis après, il y a des générations qui sont venues après. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au début, il n'y avait pas de cheikh. Il n'y avait pas. Ils s'assoient et puis ils pensaient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils adoraient Allah. Ils disent ce jour-là, mashallah, comment ils étaient dans l'ibadah, comment ils étaient forts, ils avaient un cœur et tout. Et les gens qui sont venus après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des statues. Ils ont fait des statues qui représentent ces gens-là. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, c'est l'élève de Ibn Taymiyyah, c'est le 8e siècle de l'Hégire. Il dit, lorsqu'ils moururent, ils s'installèrent à leur tombe, sculptèrent leur statue, mais le temps passa et ils les adorèrent. Donc la première chose, ils s'installèrent dans leur, à leur tombe. Hein? Ils s'installèrent à leur tombe, puis après, c'était, ils sculptèrent leur statue. Ça, c'est la parole d'Ibn al-Qayyim, il a pris ça des anciens. Et Ibn Jarir Tabari aussi, moi je vous sors toujours en parlant, je vous sors les preuves. Ibn Jarir Tabari, rahimahullah, il rapporte que Muhammad ibn Qais a dit « Yahoud, Ya'ouq et Nasr étaient des hommes vertueux et avaient des partisans qui les suivaient. Lorsqu'ils moururent, leurs compagnons dirent « Si nous leur modelons des statues, nous serons plus aimés dans leur adoration d'Allah et dans l'adoration d'Allah et ils leur firent des statues. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour se souvenir de ces personnes-là, ils ont modelé des statues. Ils ont fait des statues qui les représentent. Mais ils ne sont pas tombés dans l'association. Il va dire, bon, il passe, puis il voit la statue. Ah, ça c'est Yahoud. C'est un homme qui était fort et tout. Il donne sadaqa, il donne zakat, il a fait beaucoup de bonnes œuvres et tout. Il passe à côté, puis la foi, il monte. Hein? Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là qui ont modelé les statues, ils sont morts. Et puis les générations, de génération en génération, les statues, ils sont restés là. Ils sont restés là. Et puis là, les autres églises, il est venu. Et il a dit que ces gens-là, finalement, ils ont modelé ça et ils les adoraient parce qu'ils avaient, une position chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Voilà le travail, comment il a été fait. Est-ce que ça existe, les statues, encore? Non. Oui, je sais. Quelqu'un les a ramenés chez les Arabes, mais après. Maintenant, non. Maintenant, le professeur Assalam, il a témoigné. Mais les statues, en gros, il existe toujours. Hein? Il existe. Enfin, on a cassé celui de Lénine, je crois, finalement. Le représentant du communisme, il est vénère aussi, on l'a cassé. Bon, Bouddha, oui. Donc, je continue. Que quand ils moururent, Iblis vint à ceux qui vécurent après eux et dit, vos prédécesseurs les adoraient et par leur intermédiaire la pluie tombe, c'est ainsi qu'ils furent adorés. Et dans une autre version, ça donne, nos prédécesseurs ne vénéraient cela que parce qu'ils espèrent d'eux qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah. Ils ont dit que ceux qui étaient avant nous, finalement, c'est-à-dire ils ne vénéraient ces statues que parce qu'ils savent qu'ils ont une position près d'Allah et donc ils vont intercéder en leur faveur. D'accord ? قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا أنهم كانوا يرجون شفاعتهم عند الله. رواية, c'est une parole, je crois, d'un sahabi. C'est le début de l'ignorance. Ça oui. Ouais. Non, non. أسماء رجال صالحين فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. Ça c'est la parole d'Ibn Abbas. Il a dit qu'ils ont que ces noms-là, c'était des noms de gens pieux, et quand ils sont morts, le shaitan, il est venu, il a fait le waswas à ces gens-là pour modeler des statues à leur forme, et puis après, ils ne les adoraient pas, Et ce n'est qu'après quand le savoir fut... les générations et l'oubli. Le savoir, l'ilm, tanassakh l'ilm, retenez bien. Tanassakh, c'est-à-dire le savoir, et commence à partir. L'ignorance commence à se propager. Il n'y avait plus de tawhid. Tawhid commence à être brouillé par ça. D'accord. Donc, les autres, les générations qui sont venues après, ils les ont adorés. T'as vu le problème, comment il était au début. Au début, ils n'avaient pas l'intention de faire chèque. Modeler une statue, ça va me faire me souvenir de ces gens-là, de ces gens purs, les gens qui sont. Mais qui leur a permis finalement? Qui leur a permis de s'installer à leur temple? Qui leur a permis de modeler des statues qui les représentent? Pourquoi ils ont fait ça? Qui leur a permis? Hein? Allah n'a pas permis ça. Donc ils ont fait tashri', ils ont donné des lois eux-mêmes. Amlahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Ou bien auraient-ils des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Surat 42, verset 21. Donc Allah n'a pas permis ça. N'a pas permis de s'installer sur des temples, n'a pas permis de faire finalement de modeler des statues qui représentent. Attention, ces statues-là, elles représentent des gens pieux. Ne parlons pas de nos jours. Hein? Ne parlons pas des gens de la pourriture, quoi. C'est pas des êtres humains, mais c'est du n'importe quoi. On fait des statues pour eux et on invoque leur mort et tout. Donc finalement, c'est qui leur a permis? Personne. Est-ce qu'on peut dire que c'est la bid'a? Oui, c'était une bid'a, c'est une innovation au début. Est-ce qu'ils font du chèque? Ils ont pas. Mais ceux qui sont venus après, ils ont fait des statues là. Ils n'ont pas fait de chèque. Mais ils ont poussé les autres à faire du chèque. C'était pas interdit en 1400. Non. En ce temps-là, c'était peut-être pas interdit de faire des statues. Non, c'est pas. C'était. Personne ne leur a permis de faire des statues. C'était bid'a. Hein? Man sunna sayyatan fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha. Celui qui innove quelque chose, il porte sur son dos cette innovation, et il porte sur son dos les gens qui ont appliqué cette innovation. Hein? ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Donc ils vont porter sur leur dos l'innovation qu'on fait leur successeur. C'est-à-dire leur successeur, chacun qui a fait une innovation, il va recevoir le châtiment. Mais lui, il reçoit la sienne et celle des autres. Ils ont poussé les gens vers le cirque. Donc le début, c'était une chose, c'était une innovation. Et ça a poussé. Comment le chétan, il a travaillé? Est-ce qu'ils ont commencé à exagérer dans les visites? Oui, c'était ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous allait lire Kitab Tawhid, Muhammad Mabdouab, il dit, par exemple, le grand titre, Bab, Maja'a, Anna Sababa, Ibadat al-Awthan, le relo, et Salihin. On va parler de ça. Hein? Donc, ces statues représentent des hommes pieux qui ont poussé les gens à adorer. Donc, toute statue, tout mausolée, toute église, ils représentent souvent des gens pieux, soit des prophètes, soit des messagers, soit des compagnons, soit. C'est dit mausolée. Mausolée, c'est l'adreha et des trucs comme ça, le mashahid. L'aqbab. Quand t'as des églises, tu penses à rien ça, par exemple. Et donc, oui, je vais parler de ça après. Donc, finalement, c'est ça. Ils ont dépassé la mesure de la vénération. Al-Rulu, c'est ce qu'on appelle Al-Rulu. Ils ont dépassé. Vénérer jusqu'à mettre une statue. Vénérer jusqu'à mettre une grande bâtisse sur une tombe, vénérer jusqu'à une église, et puis vénérer encore jusqu'à mettre d'autres statues à l'intérieur de l'église. Hein? Donc, c'est la vénération, finalement. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vénéré Issa jusqu'au point il est le fils de Dieu. Puis il est lui-même Dieu. Hein? Et c'est pour ça Allah, il a dit, finalement, il a dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. Hein? La taghlu fi dinikum, illa al-haq. Na'am. Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها وكلمته ألقاها وروح منه فآمنوا بالله ورسوله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens du livre, n'exagérez pas, c'est-à-dire ne dépassez pas la mesure dans votre religion, ne dépassez, c'est-à-dire dans la vénération, ne dites sur Allah, ou ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trop, cessez, ce sera meilleur pour vous. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها وروح منه نعم فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وتعالى عما يشركون donc c'est finalement quand on exagère, quand on fait le relou, c'est ça qui pousse les gens à adorer des prophètes, à adorer des anges et tout. Donc c'est ça le problème, le premier problème. Donc l'origine du shirk, c'était ça. Relou. Al-relou wa fi salihin, l'exagération dans la vénération des gens purs. Et c'est pour ça le prophète, il a fermé cette porte. À chaque fois qu'il dit Sayyidana wa fi salihin, il dit arrête. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسول الله ne me louez, ne me vantez pas comme les chrétiens ils ont vanté Jésus fils de Marie, mais moi je ne suis qu'un messager d'Allah, donc je ne suis que le إنما أنا عبد الله ورسول. Il y a des hadiths sur ça. Donc exagération, dépassement de mesure dans la vénération. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est quoi aussi? Innovation. Et ça, c'est une innovation. Exagérer jusqu'à remonter les... C'est le combat. C'est de s'installer près des tombes. C'est de... Donc c'est pour ça que le Rasoul, il a fermé cette porte aussi. Hein? Il a fermé cette porte. Il a dit que faut pas bâtir sur les tombes. Aux femmes carrément, ne pouvaient pas habiter parce qu'il y a aussi oui, bien sûr, ça c'est sûr. Non. Bâtir quoi sur les temples? Bâtir quoi sur les temples? Bâtir quoi sur les temples? De bâtir jusqu'à vénérer la tombe, finalement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme les chrétiens. Les chrétiens, ils ont bâti sur les tombes. C'est cette vénération, c'est qui pousse les gens à bâtir sur les tombes, et puis les autres, eh bien, ils adorent les tombes, elles-mêmes. Ils adorent les gens qui sont dans la tombe. Il y a ça, je ne sais pas qui... Mais si ça, je ne comprends pas, bâtir quoi? C'est mettre le mur. Mettre le mur, mettre tout. La photo. Le musulman, il n'a pas de... Il n'a rien. Il n'a rien. On va parler de la tombe, comment il doit être. D'accord. Quand quelqu'un meurt, Quoi? Que du sable? Que du sable! D'avant la tombe. Tasmim. Fakat hakda. Al-Musalman. D'avant le torah. D'avant la mosquée. On met quelqu'un mort devant la mosquée. Est-ce que c'est... Non, il ne faut pas mettre dans la cimetière. Pourquoi? Mais dans la mosquée, déjà, il ne faut pas faire la prière à l'endroit où il y a une tombe. Il y a beaucoup qui font ça. Moi, c'est bon. Parfois, c'est des hommes. Ça, c'est... La graine, elle a commencé à partir de qui? C'était qui? C'était Wad ou Aswa? C'était les gens qui adoraient le peuple de Noé. Et puis Ibrahim. Puis celui qui a ramené ça. Celui qui a changé la religion d'Ibrahim. Amr ibn al-Luhay al-Khuzai. C'était un autre innovateur. Il est parti dans un pays, c'était Shem. Shem à l'époque. Il a ramené les statues. Il a ramené les statues, il l'a mis dans la Kaaba. Et donc dans le Bukhari, il dit... Et dans un hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « قَالَ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطَمُ بَعْدُهَا بَعْدَ وَرَأَيْتُ عَمْرَ بْنُ لُحَيْ يَجُرُّ قَصْبَهُ فِي جَهَنَّمَ وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ » Il a dit, « J'ai vu l'enfer, Et j'ai vu Amr ibn al-Luhay, cet innovateur qui a ramené les statues vers les, chez les Arabes, il est en train de traîner ses, ses tripes à l'intérieur, dans Jahannam, dans l'enfer. Voilà. Donc c'est chaque fois qu'il y a un innovateur qui ramène. Hein? À l'époque, c'était qui? À l'époque, c'était ceux qui adoraient, qui adoraient les statues, la Wad Waswa, donc en Noir. Et puis après, c'est. Quand Ibrahim, et puis les communautés qui sont après, et puis ceux qui. Amr ibn al-Luhay, qui a ramené les statues vers, chez les Arabes. Il les a ramenés chez les Arabes. Et puis après, quand il a démoli ces statues, qu'est-ce qui est arrivé après? C'était les chiites. C'était les chiites, Abdullah ibn Saba, le juif, le yahoudi. C'est lui qui a dit il faut vénérer Ali. Adorer Ali, il faut l'adorer. Là, Ali, il a creusé des fossés et les a brûlés. Parce qu'ils veulent le vénérer. C'était toujours la même graine. Le relou. C'était toujours la vénération qui pousse les gens à faire ça. Donc, là, le prophète, il a fermé cette porte. Fis sahih an Aisha, anna Umm Salama, dhakarat li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kanisatan ra'atha bi ardi al-Habasha. وما فيها من الصور فقالت فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فجعلوا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فجعل فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل je vois la traduction de ce hadith. Il est cité dans le Sahih d'après Aïcha qu'Umm Salama a parlé au messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, sallallahu alayhi wa sallam, d'une église qu'elle avait vue en Abyssinie, c'est-à-dire le Habasha, et des peintures qui s'y trouvaient. Il lui dit, lorsqu'un homme vertueux ou un serviteur vertueux meurt, chez ce peuple, ils construisent sur sa tombe un oratoire et y mettent les peintures. Ils sont les créatures les plus vicieuses auprès d'Allah. Et là, Mohamed Abdelhab, il a dit, ils ont joint deux tentations, deux fitanes, celle des tombes et celle des statues. Donc c'est toujours la même. Sunnat Allah, ils ne changent pas. Finalement, c'est le même shirk. Hein? Chez les chrétiens, chez Qawm Nuh, c'est la vénération. On peut représenter ça par une statue, on peut bâtir sur une tombe. On peut mettre aussi des photos, des tribus photos. Hmm? On peut mettre la photo là, grand, 5 mètres sur 5 mètres, une grande star de télé ou de. On met la. Oh, ouais, ça c'est bien ça. Donc je redis le hadith, je ne vais pas le redire, mais vous avez compris comme Umm Salama c'est une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait l'hijra, la première hijra, hein, et la migration avec son mari, hein, avec son mari vers l'Habasha, hein, parce qu'à une époque les sahaba, les compagnons, ils ont vraiment souffert, ils ont souffert que le sallam leur a autorisé de faire le hijra vers le Habasha, hein? Et il y avait le roi là du Habasha, Najashi, n'am rahimahullah, Najashi, il était chrétien à l'époque, puis il a bien accueilli les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était Umm Salama, avec son mari, ils ont fait l'hijra là-bas. Et à un moment aussi, pendant la deuxième hijra, l'immigration vers Médine, Umm Salama, il n'a pas pu faire l'immigration parce que les koufars l'ont arrêté. Il est resté la pauvre à la Mecque. Hein? Et puis ce n'est qu'après, c'est-à-dire quatrième année de l'hijra, son mari il est mort et il s'est marié avec elle. Alors elle a dit au prophète que quand elle était dans le Habasha en Abyssinie, elle a vu cette église avec les photos, avec les soins, avec les images. Qu'est-ce qu'il est dit dans la traduction? Les peintures. Ouais, c'est ça. Les peintures et tout. Et puis ça, le prophète lui a expliqué. Il dit quand c'est des gens, quand l'homme vertueux est mort, ils mettent ça sur lui, et puis ils bâtissent. Il y a des chirars au khalq et au maqriyat. C'est les plus mauvais auprès d'Allah, les plus bas auprès d'Allah. Subhanallah. T'as vu ça? Donc, évitez ça. Donc, ils ont finalement jama'a bayna al-fitnatayn, fitnat al-qubur wa fitnat al-tanafil. Et donc, tout ce qui pousse vers le shirk, c'est ça. Les statues et les tombes, vénération des tombes. Et donc, là, le hadith, ça c'est un hadith, subhanallah, il est très important. عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها comme ça avant, c'est-à-dire avant sa mort. Lorsque le messager d'Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fut à l'article de la mort, il mit un tissu sur son visage, puis l'enleva. Il dit en même temps la malédiction d'Allah sur les juifs et les chrétiens qui ont pris les tentes et leurs prophètes comme des mosquées, à titre de mise en garde contre ce qu'ils ont commis, sinon sa tente aurait été bâtie sur une place éminente, mais il eut peur qu'elle ne soit prise comme mosquée. Donc, il a dit malédiction sur les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées. C'est-à-dire, ils ont bâti et puis ils ont fait la prière là-dedans. Et les gens, ils ont fait l'association. Au lieu d'invoquer Allah, ils ont invoqué les... Donc, c'est clair. Là, je vais expliquer dans le hadith parce que à titre... Ouais, à titre de mise en garde contre ce qu'ils ont commis, c'est-à-dire ça c'est la parole de Aïcha. C'est-à-dire on ne doit pas faire... c'est-à-dire que le prophète il a dit ça pour déconseiller qu'ils bâtissent sur Satan. Il faut que Satan soit... Alors le prophète, il dit il ne faut pas bâtir sur ma tombe. Il ne faut pas faire une fête auprès de ma tombe. La tachidou qabri ida, la tachidou qabri ida. C'est-à-dire ne faites pas, ne célébrez pas, ne venez pas, ne réservez pas un temps bien précis pour venir me vénérer ou venir faire quoi que ce soit dans tout ce qui est innovation. Le moulou de tout ça, ça n'existe pas. Alors, donc bâtir sur les tombes et tout, c'est quelque chose qui pousse vers le shirk. Et dans un autre hadith, ولمسلم بن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Je cherchais la traduction. Muslim. Mais Jundub ibn Abdullah, j'ai entendu le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, sallallahu alayhi wa sallam, dire 5 jours avant sa mort, je me désavoue auprès d'Allah d'avoir pris l'un de vous comme c'est pas comme ami, c'est confident. Khalil. Khalil, tu renforces, ça te renforce. C'est le plus fort du bien-aimé. Ami. Il y a l'amour et puis il y a le khulla. Il y a un degré plus grand que l'amour. Donc, comme confident. Car Allah m'a pris pour confident. Tout comme il a pris Abraham pour confident. La traduction de Jacques. Là, il doit sortir quelque chose de... Qui? Comment il s'appelle? Je vais... Donc, confident, hein? Et si je devais prendre comme confident un homme de ma nation, j'aurais choisi Abu Bakr. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont dire les chiites devant ce hadith? Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Pourtant c'est sahih ce hadith. Or ceux qui vous ont précédé prenaient les tombes de leurs prophètes comme mosquées. ne prenez pas les tombes comme mosquée, je vous l'interdis. Pourquoi les chiens qui prennent les hadiths? Non, qu'est-ce qu'ils vont dire devant ce hadith-là? Il est clair. Quoi? Que le plus grand confident de la nation, que si le prophète aurait choisi un confident, il aurait choisi Abu Bakr. Ah, Abu Bakr comme confident. Oui, parce que... Non, d'accord. Quel verset? Je vais voir ça dans ce que les donc c'est Nissa. Ils ne reconnaissent pas. Donc c'est clair. C'est clair dans le hadith. Or ceux qui vous ont précédé prenaient les tombes de leurs prophètes comme mosquées. Ne prenez pas les tombes comme mosquées. Je vous l'interdis. Et donc c'est pour ça que le professeur Hassan il a déconseillé qu'on fasse la prière près d'une tombe. La tussallu ila al-quburi wa la tajlisu ala. Ne faites pas la prière près de. Oui, tu fais la prière pour Allah, mais pas ici. Tu dégages d'ici. Toute la terre elle est une mosquée, mais là tu fais pas la prière ici. Pourquoi? Non, je la fais pour Allah. Non, non. Khalas, tu vas ressembler à une personne qui va adorer. Donc tu adores Allah. Là, c'est bid'a, innovation. Donc tout ce qui est association, mais vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ferme toutes les portes qui vont. C'est pour ça il est au début de sa da'wa, il a interdit aux compagnons d'aller visiter les temples. Il a interdit. Quand كنت انهاكم عن زياره القبور فزوروها. Et après, quand il les a éduqués dans le tawhid, dans la bouche, je vous autorise. Parce qu'il peut penser le jour du jugement. Donc, il ferme les portes là du chef. Pourquoi les gens? Donc, ne bâtissez pas. Sur la tombe, n'allez pas faire la prière auprès de la tombe, rien. Quand vous passez près des tombes, vous faites salam et vous passez. Non, alors la médine, alors, c'est spécial, c'est dans sa maison, c'est qu'il est pour le prophète. Ouais, la mosquée, elle est où? Elle est loin. Elle est parce que c'est sa maison. Hein. C'est sa maison, il y a de toute façon. Ils ont construit. Je vais chercher de toute façon. Oui, Mohamed, mais c'est pas. On va pas jusqu'à la tombe, on va aller. On va jusqu'à la mosquée, je vais jusqu'à la tombe. Et donc, il y a beaucoup de hadiths. C'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. Ah non, mais... Je crois qu'il y a quelque chose. Déjà ils n'ont pas enlevé les tapis qui sont à côté de la tombe. Parce que déjà, Cheikh Al-Bari a enlevé ça. Enlevé ça. Oh. C'est un beau tapis près de la tombe. Les gens ils vont venir et vont faire la prière à côté. Regarde, le professeur se déconseille. Il ne faut pas faire la prière près de la tombe. Les gens ils s'accrochent avec les ahbash et tous les dalalat. Ils cherchent la baraka, ils cherchent. On va parler, inshallah. C'est un sujet assez. Et Mohamed, la toile de la Kaaba. Qu'est-ce qu'il faut la prière à la mosquée? La toile de la Kaaba. Après la prière du vendredi? Oui, ça c'est salat de janaza. C'est bon, ça fait pour lui. Mohamed, c'est bon. Non, mais il y a lui-même qui le dirige. Oui, ça c'est dans la genèse de le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Les sahaba l'ont fait. Donc vous avez compris. C'est plus clair. Ne parlez pas parce que... Donc c'est clair là-dessus. Vous avez compris qu'il ne faut pas bâtir. Le professeur Hassan m'avait conseillé de bâtir, de prendre sa tombe comme mosquée, de faire la prière près des tombes. Laissons ce sujet à part. Laissons-les. C'est une protection et c'est beaucoup de choses parce que. S'ils le laissent, ils vont le déterrer, regarde. Oui, mais je sais quand est-ce qu'on peut parler de ce sujet. Pour l'instant, ça va prendre. Tout nettoyer là, c'est tout ce qu'il y a dans la tête. D'accord, petit à petit. Merci à toi. Et donc, ces gens-là, quand ils adorent une tombe, ils attendent que cette personne qui est dans la tombe va rapprocher, va lui demander de rezq ou quoi que ce soit pour que cette personne prenne cette invocation et l'emmène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, puisqu'il a une position, il est un prophète, il est un salih, il est ça, donc il a une présence auprès d'Allah. Il a une présence, son âme, elle est grande, il a une présence, il est le plus proche. Donc il va prendre cette invocation et la ramener. Nous, on va, Inch'Allah, le passe dans ce cours-là. Dans le cours prochain, on va parler de ça. C'est-à-dire les âmes des gens. Est-ce qu'ils sont en contact avec les humains, avec les vivants? Est-ce que les morts, ils ont des contacts avec les humains? Et donc, c'est ça qui a ouvert la porte du chef. C'est ça, finalement, qui a ouvert la porte du chef. C'est qu'il croit, finalement, que l'âme du mort, elle a un contact avec les vivants. Parce qu'il y a des hadiths qui disent que les âmes, que les morts, ils parlent avec Allah, que le shahid, le martyr, il veut revenir, il dit Allah, laisse-moi revenir pour refaire le djihad, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui remet le roh, remet son âme, et puis lui, il nous répond et tout. Donc, ça, les innovateurs, ils s'appuient sur ça pour ouvrir la porte du shirk. C'est ça le premier sujet, pour ça, et puis... Tu tombes dans le chef. Après, tu dis, oui, t'as le droit d'invoquer. Il est le plus proche d'Allah. Non, mais c'est pas shirk ça. Shirk, c'est ibadat asnam. C'est adorer les statues. Mais les statues, ils représentent quoi? Ils représentent des êtres humains. Ça, c'est clair. Dans les textes, c'est clair. Il faut ouvrir seulement les yeux comme ça sur eux. Le Coran, il est clair là-dessus. Tout le Coran, il parle de shirk et de tawhid. Tout. Pas seulement le 1/3 ou le 2/3. Si tu ne trouves pas dans le Rububiyya, tu trouves dans l'Uluhiyya. Tu trouves dans l'Asma al-Sifat. Quand il parle de l'Ahkam, à la fin, il dit « Wahu al-Hakim, Wahu al-Aziz al-Hakim ». Dans Surat al-Baqara, Surat al-Baqara, Al-Imran, dans toutes les surates, tu vas trouver. Donc, et même... C'est pour ça qu'on a interdit les femmes de visiter les tombes aussi, c'est parce que ça peut pousser vers le shirk aussi. Pourquoi les femmes, elles sont plus influençables? Oui, elles sont plus influençables, les femmes, que les hommes. Et ils ont le droit d'aller à la mosquée le vendredi? Oui. Oui, ils ont. C'est-à-dire, si on a des femmes, elles ne vont pas la... C'est pas le français. Normalement, oui, c'est vrai. Donc, c'est clair, maintenant, j'ai parlé de... L'origine du shirk, c'était le relou des salihin, c'était la vénération, l'exagération dans la vénération qui pousse les gens à finalement remonter la personne au niveau d'Allah, c'est-à-dire que de le remonter. Au début, le Messie, il était juste un être humain simple, un simple messager, puis après il est devenu fils de Dieu, puis après il est devenu Dieu lui-même. Et donc pour Ali, dans notre Oma, il y a des gens qui l'ont monté. C'était Abdullah ibn Sabah al-Yahoudi, le juif. Il a poussé les gens à vénérer Ali. Ça, c'est après le conflit. À vénérer Ali au point de dire que c'est lui Allah. Et donc Ali leur a dit de faire tawbah, de se repentir, sinon il va les brûler. Et ça s'est passé vraiment. Il a creusé des tranchées, il a allumé du feu, il les a jetés dans le feu. Même Ibn Abbas l'a dit. Et normalement, tu coupes leur texte, tu les jettes pas dans le feu. Ils leur ont dit de faire tawba et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils sont prosternés devant lui. C'est Jadouli Ali, Abdullah ibn Sabah. La graine qui a donné le shérisme. C'est la graine comme le roi Paulos. De toute façon, on va... Avec le christianisme, si on a l'occasion de le... Il y a un très beau livre, si Inch'Allah on le trouve... Il est, je ne sais pas, ça ne se trouve pas dans le marché monde, en Arabie Saoudite, c'est jamais. C'est le Jawab Sahih, l'imam Bettaladin al-Masih, de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Alors, ça, comment le roi Paul, il a changé la religion du christianisme. Comment il a c'est lui qui a Ouattana, il a donné le Ouattani à l'âme. C'est lui qui a donné les statues. C'est lui qui a fait les statues. C'est lui qui a fait la croix. C'est la croix a... et les statues. C'est lui qui a changé cette religion. Et c'est lui qui a donné le nom de Isa, Christ. Abdullah ibn Sabah, il a voulu faire pareil. C'est-à-dire, au lieu que les gens adoraient Allah dans les mosquées, non, il va bâtir sur les tombes. C'était la graine du roi Paul. Il veut changer la religion d'islam comme l'autre, il a changé le christianisme. Mais alhamdoulilah, il y a des gens qui ne l'ont pas laissé. Ils l'ont pas laissé. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu? J'ai voulu, normalement, j'ai pas voulu parler du contact entre les... Pourquoi les gens finalement ils croient que les âmes ils ont un pouvoir et peuvent bouger dans le ciel et tout. J'ai voulu laisser ça au cours prochain. Donc c'est ça finalement, les gens quand ils adorent, ils veulent que ces gens là intercèdent en leur faveur. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله يدي في سورة يونس. يونس عليه السلام نعم. ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit, informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre, pureté à lui. Il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. C'est-à-dire qu'ils ont pris des intercesseurs qu'Allah n'a pas permis. Est-ce qu'Allah leur a permis d'invoquer les temps? Est-ce qu'Allah leur a dit qu'ils vont voir les tombes et ils vont voir des gens pour leur dire, rapprochez-nous d'Allah? Allah n'a pas permis ça. Il n'a pas permis, parce que lui, il connaît la personne qui invoque, il connaît la personne qui est invoquée. Allah est au courant, il est au courant des deux. Hein? Donc, même ces gens-là, ils sont en train d'adorer, même ces gens-là, ils veulent se rapprocher d'Allah et ils ont peur pour eux-mêmes. Même les prophètes, même tout. Alors pourquoi les autres, ils s'accrochent à eux? Et ça diminue la valeur d'Allah. Comme je vous ai dit, pour un roi, c'est bon. Parce que le roi, il ne connaît pas la personne qui cherche l'intercession. Hein? Il ne connaît pas. C'est le ministre qui vient lui dire, il y a une petite personne qui cherche ça, qui veut se rapprocher de vous et tout. Donc lui, il n'est pas au courant. Allah, il est au courant de tout ce qu'il y a. Comment toi, tu vas voir une tombe, tu invoques une tombe et tu dis, rapproche-moi d'Allah. Rapproche-moi d'Allah, aide-moi et tout, une tombe. Il est mort. Parce que ça limite le pouvoir d'Allah, c'est ça? Ça limite le pouvoir, ça limite sa volonté. Demande à Allah. Donc ça, demande à Allah. Va demander. Finalement, chaque, toujours les associateurs, c'est... Sans lui, Allah, il ne peut pas... C'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas respecté finalement Allah. Sous dhanni billah. Ils connaissent pas la valeur d'Allah. De dire, de voir une tombe pour les rapprocher d'Allah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah, il ne peut pas te donner. C'est limité son pouvoir, c'est limité sa volonté. Il ne peut pas, non, si je me dirige vers lui, il ne va pas m'exaucer. Ça, c'est grave. Si je me dirige vers lui directement, il ne va pas exaucer mon vœu. Tu te rends compte? Allah, il dit, je suis le plus proche. Pourquoi tu me rabaisses? Je sais pas si ça peut être interprété comme ça, mais est-ce que eux ils pensaient qu'ils étaient pas, ils méritaient pas d'avoir. Bien sûr, voilà. Bien sûr, ça c'est l'origine de chaque shafa'a. Pourquoi ils cherchent l'intercession? Pourquoi ils cherchent shafa'a? Ils ont délaissé un attribut d'Allah en même temps? Ils ont rabaissé. Ah, ils ont rabaissé l'ilm, le savoir, parce qu'Allah il les connaît, il les connaît plus que cette personne-là. Et parce qu'Allah il est plus proche, et parce que ça rabaisse sa miséricorde, la miséricorde, subhanallah, l'attribut, ton attribut à lui. Hein? C'est-à-dire, il n'est pas miséricordieux si je m'adresse vers lui. Il ne me donne pas. Il donne qu'à des gens qui ont haut degré de foi. Quoi. D'accord. Donc Allah n'a pas permis ça, n'a pas permis. Mais normalement, l'intercession, quand est-ce qu'il est permise? Quand est-ce qu'il y a. On est vivant. Quand? Présent. L'intercession, il a trois conditions. C'est que d'abord Allah il autorise, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه استدير الله n'accepte l'intercession qui s'il a lui-même permise. Et c'est d'y arriver. Et ça, c'est le jour du jugement. Ah, d'accord. Qu'au jour du jugement. Et ben, là, il va permettre. Et il faut qu'il soit, qu'il agréé ou qu'il soit garda. Il soit satisfait de celui qui va chefer, intercéder. Et qu'il soit, et qu'il, qu'il soit satisfait de l'autre. Qui veut recevoir l'intercession. Donc, trois conditions. Donc, il faut qu'il la permise, lui, parce que il est différent des êtres humains. L'intercession pour lui, c'est pas quelqu'un, c'est pas le roi, par exemple. Il va pas dire à son ministre, ou là, il va dire, il va autoriser à son ministre de lui ramener, parce qu'il n'est pas au courant de l'autre. Il cherche l'intercession. Allah, il est au courant de tout. Donc, c'est lui qui va permettre. Il va permettre l'intercession. Il va permettre, et d'abord il la permet, et il l'autorise, et après, il faut qu'il soit satisfait de la personne, qui est le plus proche, et celui qui cherche l'intercession, il faut qu'Allah soit satisfait de lui. Parce que l'autre, il faut qu'il soit mouahid. Parce que Shafa'a, il est interdit au mushrik. C'est quoi mouahid? C'est le wahad Rabbi, subhanahu wa ta'ala. C'est une droite, c'est celui qui l'adore lui-même, il ne fait pas l'association. L'uniciteur. L'uniciteur, je ne sais pas le mot, l'uniciteur. Hein? Donc Abu Huraira dit au professeur sallam, man as'adu an-nas bi shafa'atik. Qui est le plus heureux, qui aura la chance de cette intercession. Il lui a dit, celui qui n'a pas, man abad Allah mukhlisan. Celui qui a adoré Allah, il était sincère. Mais un associateur, أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Donc celui qui est associé, l'intercession elle est interdite pour lui. Hamez, ça fait que tout ce qui est vivant, tout ce qui est mort quoi. Tout ce qui est mort c'est interdit de demander. Tout ce qui est mort c'est interdit de demander. Tout ce qui est mort, c'est interdit de demander. Ni invocation, ni prière, même à côté, même prière, mais tu te rapproches d'Allah, près de la tombe, tu ne le fais pas. Tu t'éloignes. Parce que tu ressembles, finalement, à un mushrik. Tu lui ressembles. Tu fais la prière près d'une tombe, ça veut dire que tu ressembles, finalement, à la personne qui invoque la tombe à elle-même, ou qui fait la prière pour cette tombe. Quelqu'un va te et donc voir c'est aussi, finalement quelqu'un te voit aussi, il est en train de faire d'arrêt. C'est grave, c'est ce qu'ils ont les chiens. Quand t'as le mort là, t'es à côté, Franck qui prie pour le mort, pour la tombe, tu vois. Pour notre vieux, c'est sur les pères, le temps qui nous laisse. Oui, mon père faire comme ça. Hein. Et puis lui, il croyait que t'as invoqué le mort, ton fils. Voilà. Ça avait pas dit, tombe dans le chef. Ouais. Et donc regardez par exemple pour le Hussein, radiallahu anhu, le Hussein, le fils de Ali. Ils ont bâti une mosquée au-dessus de lui. Ils ont fait une grande quba. C'était le Ubaydiyoun, c'était les chiites qui l'ont fait. Ils ont fait au Caire. Je ne sais pas où il est mort exactement. Ils font des trucs vraiment, subhanallah. Et dans ce qui est vivant c'est... Dans ce qui est vivant maintenant. Donc tout ce qui est mort, c'est interdit d'invoquer, de demander. Les morts, oui, mais les morts, ils ne peuvent rien. Leurs actes sont arrêtés. Ils sont morts, classe. Leurs actes sont arrêtés, sur classe. Quand la personne est morte, ça y est, ses actes sont arrêtés, classe. Donc la règle générale, c'est de prier pour personne qui est mort, mais des doigts, c'est possible. L'invoquer lui. C'est la base. Doua, non ? Parce que sinon, c'est la base. Tu demandes pardon pour lui. Tu demandes pardon à qui ? Moi, disons que mon père n'a rien. Tu demandes à qui ? Allah pour moi. Et Ikhlas. Ikhlas. Ouais, qu'est-ce que vous avez compris ? Et tu t'es adressé à qui ? Allah. C'est Tawhid. C'est Ibadah. Faut pas adresser aux morts, c'est tout. Faut pas adresser aux morts. Et maintenant, ceux qui sont vivants. Je suis encore un peu. On va en parler de ça. Donc ça fait jusqu'au prophète, quoi. C'est-à-dire interdit même de demander au prophète. Interdit de demander au prophète. Interdit maintenant de demander au prophète. Parce qu'il est mort. Hein? Son âme, elle est dans le barzakh. Elle est près d'Allah. Interdit de l'invoquer. Tu l'invoques, c'est shirk. Shirk akbar, mokhrej min al-millah. C'est shirk, association, qui sort de le. Il sort la personne de l'islam. Oui, mais quand on fait les doigts, on invoque. On invoque Allah. On dit Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. C'est lui qui entend. C'est Allah, le mort, il entend. Donc tu t'adresses vers Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas dit au prophète, t'as pas commencé. Donc tu te rapproches. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'invoques par quoi? Ces noms, ces attributs, Ya Aziz, Ya Kawi, Ya Rahman, Ya Rahim. Tu te rapproches aussi par une bonne œuvre que tu as faite. Là, tu peux t'approcher si tu as fait une bonne œuvre que tu sais que tu étais sincère. Là, cette œuvre, elle peut te rapprocher vers Allah. Quand tu fais ça là, tu vois un bon acte. Comme l'histoire de la grotte. Oui. Je connais pas exactement le. Histoire, mais. Chacun rappelait quoi. Ouais, chacun rappelait ses bonnes œuvres quand ils étaient coincés dans une grotte. C'était trois personnes qui étaient coincées dans une grotte et donc ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala par des actes qu'ils ont fait. Ils ont dit, chacun a dit voilà, moi j'ai fait ça, et si cet acte est sincère pour vous, Allah subhanahu wa ta'ala, fais-nous sortir de cette grotte. Et là, la pierre qui a été. Qui coinçait le trou de la grotte, il a bougé. Puis chacun, il a dit. La pierre, elle est sortie, puis ils sont sortis. Donc ça veut dire qu'on peut se rapprocher par les bons actes. Premièrement, les noms et les attributs d'Allah. Deuxièmement, par les bons actes. Ou par l'invocation de quelqu'un qui est un vertueux, mais qu'il soit vivant. Et qu'il soit à côté de toi, tu lui dis, fais du'a pour moi. Il est vivant, il est là, il fait du'a pour. Lui aussi, c'est à condition, par exemple. Je viens voir le marabout, fais du'a pour moi, il dit, ouais, mais donne-moi 2000 francs. Non, mais ça, c'est. Il est vivant. Ouais. Ça, c'est bid'a. C'est innovation. Qu'est-ce que tu as dit? Innovation. Le marabout, je viens à côté de marabout pour lui demander un doigt et dit ouais, d'accord, mais je vais demander le écoutez. Allah, il dit dans Sourate l'Isra, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية نعم. Je vais répéter le verset parce qu'il y avait le verset avant, je vais le redire. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. Ceux qu'ils invoquent, dit invoquer ceux que vous prenez être des divinités en dehors de lui. Il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redoutable. Ceux que vous invoquez, il a dit des instructeurs, ceux que vous invoquez eux-mêmes, ils cherchent le moyen. Par quoi? Ils cherchent le moyen par les bonnes actes. Hein? J'ai pas bien compris. Si tu te raccroches à un chef, tu invoques un chef. Lui-même, il cherche de se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est pieux. Lui-même, il cherche, lui-même, il fait, il espère la miséricorde et craint le châtiment lui-même. Comment il va dire, comment moi je vais te rapprocher vers Allah, mais moi j'ai peur de moi. J'ai peur du châtiment d'Allah. Pourquoi toi tu m'invoques? Tu dis, rapproche-moi d'Allah. Où il est mort, il est. Approche-moi d'Allah, t'as une présence auprès d'Allah, t'es fort et tout, t'as été pieux, t'as fait le jihad, t'as fait l'amr bil ma'ruf, t'as fait naï al munkar, t'étais un homme. Waz, waz, wa' wa yaghous, wa ya'ouk, wa nasr. Les gens qui étaient à l'époque du comme Nouh, c'était des gens pieux. Témoignage d'Ibn Abbas. Et comme Ibn Abbas, il parle de ces gens-là, Ibn Abbas, il ne connaît pas l'invisible. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la révélation. C'est pour ça que les ulama hadith ils disent marfou'. C'est-à-dire ça, c'est une parole finalement du prophète. Des gens vertueux. Les autres, ils ont fait des statues. Ils commençaient à les adorer. Allah, il dit dans ce verset, ces gens-là que vous invoquez en dehors d'Allah, eux-mêmes, ils cherchent le moyen de se rapprocher. Vous connaissez le grand hadith quand le soleil il se rapproche des gens, puis commence à avoir la sueur, et puis il y a un qui a la sueur ici, l'autre la sueur ici, puis l'autre étouffé par la sueur, puis ils vont chercher l'intercession. Hein? On va courir vers Adam, le père des êtres humains, le père de la nation. On va aller le voir. Adam, fais que le hisab, que le jugement soit proche. Je peux rien faire. Moi, j'ai mangé la pomme avec ma femme, j'ai été jeté du paradis. Alors non. Aujourd'hui, Allah subhanahu inna Allah radaban lam yaghdab qablahu ba'd wa lam yaghdab ba'dahu ba'd. Allah, il s'est mis en colère aujourd'hui. Je peux rien faire. On va courir vers qui? Nouh. Viens, Nouh. Ils vont chercher l'intercession près de Nouh. Intercède où? Elle dit non, je peux rien faire. Tu te rends compte? Qui sont les têtes de la communauté là? Des êtres vivants, des êtres humains. Quels sont les têtes? L'élite, les grands là. Il y a les élèves, le primaire, le secondaire, le baccalauréat, le doctorat, et puis au-dessus, les prophètes. Ar-Rusul. Qui sont les têtes de Rosson? Les cinq. Oulil Azm. Nuh, alayhi salam. Ibrahim. Moussa. Wa Rasoul sallallahu alayhi salam. T'en compte. Quand Nuh, le premier, awwal Rasoul, bi hadith shafa'a. Il y a des gens qui disent Idriss, il est avant le Nuh. Il y a des preuves que Nuh, awwal Rasoul. Nuh lui-même. Donc alors comment on va se diriger vers des gens qui ont une position moindre et on va les invoquer? Eux ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Eux-mêmes, les grands prophètes, ils craignent Allah. Le père des êtres humains, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui il cherche le moyen de le rapprocher d'Allah. Il a dit Allah, il s'est mis en colère à l'ikhlas. Moi il faut que je sauve ma peau. Oh là. Comment toi tu vas t'approcher au Cheikh Wali ou Ahmed Badawi, Abd al-Qadir Jilali, des noms? Il y a des gens qui sont pieux, mais le jour du jugement dernier, ils vont dire ah non, attends, ça va pas. Ils vont s'invoquer, subhanallah. Ils vont être des ennemis. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Vous ne nous adorez pas. Même ceux qui demandaient les gens à les adorer, ceux qui demandaient les gens de les invoquer, d'obéir à leur loi, de les craindre. Hein? Ils font des prodiges, karamat on dit, karamat. On fait des prodiges, je marche sur l'eau, suivez-moi, obéissez, je connais l'invisible, suivez-moi, allez, après ma mort, invoquez-moi. Le jour du jugement seront des ennemis, ils vont se repousser. Chacun il va se repousser vers l'autre. Donc, je disais, finalement, à quoi ça sert de chercher que lui va être intermédiaire entre toi et Allah? Déjà, comme j'ai dit, ça rabaisse la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça rabaisse son pouvoir, ça rabaisse sa miséricorde. Il n'est pas rêve. Je suis le plus grand miséricordieux. Je cherche un être vivant à plus pour qu'il te rapproche vers moi. Mais je suis miséricordieux. Donc, ne cherche pas à invoquer une tombe. Ça, c'est grave. Allah, il accepte pas ça. Il accepte que tu fasses des péchés. Mais quand tu tombes dans l'association Allah, parce que tu rabaisses ses attributs, tu le rabaisses lui-même, tu mets quelqu'un à pied d'égalité avec lui, tu dis, bon, si c'est vous, Vous êtes digne d'adoration, vous êtes digne d'invocation. Lui-même, le cheikh, il est aussi digne d'invocation. Tu dis, Allah, il dit, j'accepte pas. لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Il t'a été révélé, il t'a été certainement révélé que si tu donnes des associés, ton œuvre sera vaine. Donc شرك الله il accepte pas parce que ça rabaisse ses qualités. Oui, tu fais des péchés, je te pardonne. Mon attribut à moi c'est miséricordieux. Il fait des péchés. Mais tu mets à égalité avec une créature, tu me mets à égalité avec une statue, tu mets à égalité avec un président, tu mets à égalité avec une star de télé, j'accepte pas. J'accepte pas. Tu bois de l'alcool, tu te repentis. Akbel Taw, tant que t'es pas mort, tant que t'es. Tu te repentis, tu fais des péchés, tu te repentis. Ça veut pas dire que tu fais des péchés, ça, je vous dis, ça vous pousse à faire des péchés. Hein? Parce que même le péché s'arabise dans Tawhid. Parce que Tawhid c'est quoi? L'unicité dans l'adoration. Hein? C'est tout ce qui est acte du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour, la vénération. Si tu fais un péché, qu'est-ce que tu as fait? T'as pas la crainte. Donc l'acte du cœur, t'as pas cette crainte suffisante qui est finalement une condition dans l'unicité. Donc ton adoration elle est basse, donc ton tawhid il est bas, d'accord? Du moment que tu fais des péchés ça rabaisse, ça veut pas dire que tu es tombé dans l'association, mais ton tawhid, ton unicité elle baisse, d'accord? Donc ceux qui adorent Allah, qui font le jihad, c'est eux qui ont le vrai amour, parce que le sommet de l'amour c'est quoi finalement? C'est donner son corps à Allah, voilà, le sacrifice, le jihad. D'accord? Mais celui qui dit moi je peux pas, ou a dit, mais il adore Allah, il ne tombe pas dans l'association, il est à un degré moindre. Parce que les actes du cœur qui est vénération, amour, crainte, appréhension, le khashiyah, le rahbah, tout ça, ça monte et ça descend. Donc le tawhid, il monte et il descend. Mais s'il descend au moment, à un point où tu vénères un autre qu'Allah, là c'est ton danger. Donc ce verset-là, il est. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Dit invoquer ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui, ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. C'est clair? Surat Isra. Surat 17, verset 56-57. Donc vous avez compris l'origine de Shirk. L'origine, le début, c'était quoi? Des gens qui ont fait des statues sans représentation, sans mauvaise intention. Quoi. Mais c'est dû à quoi? C'est pour se rapprocher. J'ai pas entendu. C'est dû à quoi? Se rappeler. Pourquoi ils ont mis les statues? Ouais, pour se rappeler. Et puis après, les autres? Ils sont venus et ils ont cru qu'il fallait les prier. Quoi. Il est impossible que ces gens-là ont fait des statues pour rien. Ceux qui sont pour rien. C'est surtout ils ont une position près d'Allah. Vraiment, ces gens-là, ils doivent être forts. Hein. Ils doivent ramener nos invocations vers Allah. Donc on doit les adorer. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il a envoyé Noah. Ils se sont accrochés à leurs idoles. Qu'est-ce qui est arrivé? À cause de ce shirk, Allah les a fait noyer dans l'eau, dans la mer. Et directement de la mer vers le Nam. Directement. وقالوا لا تذرن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. 7 minutes pour moi. Tiens ton souffle pendant 30 secondes déjà. 7 minutes, tu me rends. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم. أي نعم. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wed, Wasua, Wayahut, Wayahut, Wanasa. C'est des noms de gens vertueux, rappelez-vous. Elles, les idoles, ont déjà égaré plusieurs. Waqad adallu kathira, ne fait Seigneur croire les injustes qu'en égarement. À cause de leur faute, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu. Et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah de secoureur. T'as vu? À cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient noyés dans l'eau et directement dans le feu. Mimma khati'atim ughriqu fa udkhilu le fa. Fa li ta'qib wal fawriya. Fa directement de la mer, de la noyade vers le feu. Ça, les ulama ils disent preuve que le châtiment de l'attente existe. Parce qu'Allah, il a dit, quand ils étaient noyés, directement de la noyade vers le feu. C'est qui ne reconnaît pas le châtiment de l'attente? C'est les Mu'tazila ici. Donc, de la noyade vers le feu, directement. C'est encore. Donc, le châtiment de l'attente, directement. Le noyade. Châtiment sur châtiment. Ouais. Donc la tombe, c'est pas la bâtisse, seulement la bâtisse, le châtiment de la tombe, c'est Alam al-Barzakh, c'est l'autre monde. Parce que l'âme, il a 5 contacts avec le corps. L'âme, l'esprit, roh, عنده 5 اتصالات معه. 5. Au début, quand Jibril, quand le malak, il vient, il insuffle dans le ventre de la mère. Hein? 40 jours. Hein? خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. Donc, au début dans le ventre, et quand il sort, il a un autre l'âme, le contact entre l'âme et le corps est différent. Et quand il dort, هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Donc quand il dort, le contact entre l'âme et le corps, c'est un autre contact. Et quand il meurt, le contact avec l'âme et le corps, et la nôtre, et après le jugement, quand il passe soit en enfer, soit au paradis, il a un autre contact. C'est 5. Comme ça, c'est ça, l'âme. Comment ça, contact? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu entends par contact? C'est-à-dire le les étapes. Ah, un état. Les étapes. D'accord. C'est pas un contact, ouais, un état. Quand tu dors, ton âme, elle est où? C'est-à-dire, elle quitte le corps. Après elle quitte le corps. Elle revient. Elle a 5 états avec le corps. L'âme, elle quitte le corps. Quand tu dors. Oui. Ah oui. Après, quand tu te réveilles, elle revient. Ah, je dors et elle part. C'est pour ça que tu rêves, moi-même. C'est pour ça que tu rêves. Tu rêves, tu cours, tu fais ça, tu cours, tu... Elle est où l'âme? Où elle est là? Où elle va? Où elle va l'âme? Elle sort, subhanahu wa ta'ala. Elle sort. Non, je veux dire, on sait, elle sort, quoi. Elle sort, ça va pas, on sait. Il est entre la... Et il est vers les 5, c'était... Elle est entre quoi? Entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, mais quand elle sort, elle voyage, tu veux dire? Elle voyage. Elle part. Elle voyage. Non, c'est Allah qui l'a... Je dirais quoi, il la prend, hein. Donc vous avez compris comment ça s'est passé l'association, c'est l'ignorance, la vénération des gens vertueux au point de les élever. Et c'est toujours la même, le chef, la même chose qui se passe. Hein? Ceux qui ont vénéré Ali jusqu'à le monter au niveau d'Allah, il y a Nusayriya, Druz, Al-Qaramita, tout ça, tous ces sectes-là. Ils sont sortis de l'islam, ils vénéraient Ali au point qu'ils disent que Ali c'est Dieu. Hein? Oui, oui. Comme les chrétiens. Comme les chrétiens, ils ont fait de Isa ibn Maryam. De Marie aussi. Et de Marie. Et donc Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Men Masih ibn Maryam. Men Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulan at-ta'am. Que Isa ibn Maryam et sa mère, Isa ibn Maryam n'est qu'un simple messager. Et sa mère, une simple femme, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait de la nourriture. Et celui qui mange de la nourriture, il est digne d'être Allah. Il est digne d'être un bon. Il est digne d'être qu'on l'adore lui-même. Il dépend des choses de la vie. Il va aux toilettes, il va ça, il mange, il dépend. S'il la croit, il ne peut pas. Ça, il obéit aux lois d'Allah. Donc il n'est pas digne qu'on l'aime. Là ? Je me prie, ce que tu as dit là, quand on invoque un frère, mettons, je te dis fais doa pour moi. Moi je suis dans une situation, je suis dans les péchés et tout. Presque je vais tomber. Subhanakallah, bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Quand tu invoques un frère, tu n'invoques pas de frère. Non, tu demandes doa pour lui. Tu demandes doa. Fais doa pour moi. Tu demandes doa à une personne qui est. Que tu connais qu'il est bien. Tu sens qu'il est dans un état. Tu dis, prie Allah pour moi. La Taïmine, Abou Bakr, je vais vous aider. C'est pas, tu lui dis, approche-moi d'Allah. Il dit, tiens, Allah, fais doa pour moi. Mais c'est pas, attends, Mohamed, c'est pas, je lève les mains et puis je dis. Oh, Ben Bas, Albani, il a dit soit présent. Soit présent. Il a juste, le demande devant. Il a juste après c'est plus salihin, mais avant le Coran. C'est-à-dire, tu lui demandes qu'il te fait un doigt, parce que c'est un sale. Il faut qu'il existe, soit vivant, soit avec toi. Vivant, devant toi. Devant toi. Devant toi.